Bonsoir Élodie Ekobena. Élodie, vous êtes politologue, vous travaillez auprès de la concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle. Aussi, vous avez entre autres travaillé sur les questions de l'expansion de la culture de PAM et avez récemment donné une conférence à Développement IP sur la production des biocarburants issus de produits oléagineux. Vous avez aussi participé comme observatrice au colloque international de la décroissance. Vos intérêts portent donc sur les enjeux liés à la question de développement et aux ressources naturelles, ce qui vous a amené à vous pencher sur l'expansion de la culture de l'huile de palme en Afrique, principalement au Cameroun. Donc, la production d'huile de palme domine la production mondiale d'huile végétale. Elle représente près de 40% de la production mondiale, détrônant même la production du soya, du colza et du tournesol. Les géants de cette filière sont la Malaisie, l'Indonésie, avec près de 90% de la production mondiale. Mm-hmm. Mais ce secteur gagne du terrain en Afrique, comme vous l'avez sûrement constaté, notamment au Nigeria, en RDC, au Libéria, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, Élodie, bienvenue à Mandla ce soir. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'expansion de cette culture et les enjeux de cette filière en croissance constante et où le Cameroun se situe dans cette production mondiale? Alors, bonsoir. Merci de m'avoir invitée à venir vous entretenir sur une étude dont la réflexion avait commencé en 2009, lorsque j'avais décidé de travailler sur l'huile de palme, dont je ne connaissais que le goût et la texture pour l'avoir utilisée dans des plats traditionnels camerounais. Alors, vous n'imaginez pas ma surprise lorsque j'ai découvert au fur et à mesure des recherches que le produit de couleur rouge-orangé était non seulement le plus échangé sur les marchés mondiaux, en 2011, c'était 75%, et aussi qu'il faisait l'objet de beaucoup de plans de relance, comme c'est le cas au Cameroun et en Afrique. En Afrique, là, à part la RDC, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, ils sont rendus au Kenya, ils sont en train de tester la monoculture là-bas. Et là, récemment, j'apprenais que le Gabon allait aussi se lancer dans la monoculture d'arbres. Donc, c'est pour vous dire que le sujet est l'objet de beaucoup de convoitises. Et au Cameroun, justement, comme c'est l'augmentation de production qui est la finalité, on parle d'augmenter des surfaces de palmeraies à huile pour accroître la production du pays en le faisant passer à 166 000 tonnes en 2015. Mm-hmm. Et aussi de rendre la production compétitive. Donc, ça veut dire que on va privilégier la monoculture des étendues de palmeraies. Il n'y aura plus d'autres espèces, plus de flore, plus d'animaux. Et puis aussi, il n'y aura plus les populations qui vivaient au niveau de la forêt. Donc, et par rapport à ça, il y avait une étude de l'International, du Center for International Forestry Research en 2011 qui mentionnait que le Cameroun perdait annuellement 0,14% de forêt par an, en moyenne. Donc, ça veut dire que pour un pays de 475 000 km², c'est comme l'équivalent de 34 000 hectares par an. Ce qui est énorme. Ce qui est très mm-hmm. énorme. C'est des quartiers, des quartiers. Mm-hmm. Et donc, comme les forêts du Cameroun font partie du bassin du Congo, mm-hmm. le bassin du Congo, c'est le deuxième après celui de l'Amazonie. Donc ça fait des forêts, le Cameroun se situe justement en deuxième position après le Congo. En termes de pertes, le Congo c'est 0,20% et le Cameroun c'est 14%. Et donc en plus c'est un pays de 20 millions d'habitants, ils sont rendus à 20 millions d'habitants. Alors ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un si petit pays. Et donc qui dit objet de convoitise dit aussi de nombreux acteurs. Donc, il y a les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, en passant par les investisseurs locaux. Les investisseurs locaux, ici, c'est des élites au pouvoir. Oui. Et il y a aussi des urbains, des grands producteurs. Il y a aussi les investisseurs étrangers. Investisseurs étrangers, c'est des grosses multinationales dont je parlerai tantôt. Et puis, il y a l'État camerounais. Et Ah oui, un acteur incontournable quand même. C'est sûr, puisque c'est lui qui met tout ça mm-hmm. en action. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc celui du développement, notamment qui tourne autour de la promotion de l'agriculture commerciale. Et puis, il y a l'enjeu commercial aussi, qui se penche plus sur les actions de tous ces acteurs-là et des répercussions, évidemment, dû aux mesures de l'OMC, puisque le Cameroun est signataire depuis 1995. Et puis, elle est aussi, le Cameroun est aussi signataire des accords de ACP. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux. Et il y a aussi les impacts sociaux et les impacts environnementaux. Et ces impacts-là, justement, ont beaucoup de conséquences sur les plus marginalisés. Alors, le Cameroun, en tant que producteur, est quand même le 13e sur la place mondiale. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est parvenu à importer de l'huile de palme pour sa consommation domestique? Alors, parce que autant que c'est ça, hein, il est producteur, mais en même temps, c'est pas encore suffisant pour sa consommation domestique. Donc, du coup, il est aussi importateur et un grand importateur. Il est importateur. Paradoxe. Il est en déficit officiellement depuis 1997. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, sous la colonisation allemande, c'est là que les premières plantations industrielles ont commencé, et ça a continué pendant le mandat franco-britannique. Et actuellement, on compte 160 000 hectares que se répartit le secteur agro-industriel qui a 60 000 hectares. Il y a le secteur traditionnel qui a 100 000 hectares. Le secteur traditionnel, là, c'est quand même beaucoup de groupes. Donc, quand on dit traditionnel, on pense tout de suite petits paysans. Non, là, il y a des gros producteurs. En fait, c'est un peu confus. La filière qui couvrait justement la demande en huile de palme durant les années 80 est officiellement en déficit, comme je l'ai dit. Et le déficit est estimé à 50 000 tonnes, qui s'explique justement par le début de la production du biocarburant et par l'évolution de la consommation nationale. Donc, il y a aussi d'autres explications sur ce déficit-là. Il y a les difficultés rencontrées par le secteur industriel et le secteur artisanal, notamment au niveau des problèmes de productivité. On note au niveau du secteur industriel le problème de vieillissement des arbres de plus de 30%. Et puis, ces plantations ont en moyenne 30 ans. Donc, pour être compétitif, là, 30 ans, c'est pas la norme. Mm-hmm. Et au niveau artisanal aussi, il y a des faiblesses, des investissements, sans oublier qu'eux aussi, ils ont des problèmes de productivité, de vieillesse, d'arbres et tout ça. Et eux aussi, pourtant, le secteur artisanal, c'est le plus dynamique de tous. Et à ces contraintes, il s'ajoute aussi le difficile accès aux intrants qui sont très élevés. Mm-hmm. Et surtout, la marginalisation des producteurs, des petits producteurs par l'État et par les agricultures industrielles. Oui, aussi. Donc, ce déficit-là, il peut être aussi dû, parce qu'il y a quand même des grands joueurs comme Cargill, Bolloré, entre autres, des grosses multinationales, mm-hmm. qui ne prennent pas cette culture, cette production à leur propre usage, mais qui en reste plus assez, d'une certaine qualité quand même, pour faire les chocolats, les cosmétiques et tout ce qu'on fait avec l'huile de palme. Mm-hmm. Et puis finalement, le Camerounais doit utiliser seulement une huile de palme qui est quand même de moins bonne qualité. Donc on réserve les bonnes huiles pour les grandes multinationales. Donc du coup, l'État se voit un peu contraint à importer de l'huile, mais finalement de mauvaise qualité, qui vient de l'Asie du Sud-Est ou d'ailleurs. Pensez-vous? La production agro-industrielle est destinée au marché occidental, principalement l'Europe. Mm-hmm. Il y a l'Europe et puis il y a aussi d'autres pays africains à côté. Le Cameroun, c'est le plus gros producteur d'Afrique centrale. Oui. Donc, eux, par souci, ils ont allégué au ministère de l'Agriculture que c'était par souci de rester compétitif, qu'il fallait qu'ils le revendent plus cher à l'extérieur. Donc, du coup, c'est le secteur artisanal dont les rendements ne sont pas aussi élevés que ça. C'est ce secteur-là, justement, qui approvisionne le marché. Mmh. Et comme vous avez mentionné, il y a l'huile qui vient de Malaisie. Ils importent 10%. Ah, oui. De la Malaisie. Pour la consommation locale. Pour la consommation locale. D'accord. Notamment, ça fait partie d'un modèle de développement, toute cette production de huile de palme, mm-hmm. agressivement promue par les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale. Mm-hmm. Quel modèle de développement on impose à l'État camerounais à travers cette production d'huile de palme? Le modèle actuellement promu dans les rapports des institutions, de Banque mondiale en particulier, mm-hmm. c'est celui de l'agriculture commerciale. C'est une agriculture qui fait appel... L'agro-business. L'agro-business aussi qu'on appelle, qui fait appel à la haute technologie. Et elle n'est motivée que par le profit. Donc, ça, l'agro-business, elle encourage la modernisation de l'agriculture par l'augmentation de la production de la monoculture d'huile de palme. Les objectifs, elle garde ses objectifs de lutte contre la pauvreté, qui sont toujours très louables sur les faits, dans les faits. Mais quand on s'approche un peu plus, on se rend compte que comment on peut faire la promotion de la lutte contre la pauvreté si les critères retenus, c'est l'efficacité et la recherche d'efficacité, la compétitivité. Il y a quand même un décalage. Mm-hmm. Donc, au nom de celle-ci, on encourage l'accès aux nouveaux marchés, le recours aux innovations technologiques, institutionnelles, qui vont encore plus endetter l'État. Et puis, il y a redistribution des rôles. Par exemple, avant, avec les programmes d'ajustement structurel ou bien les plans quinquennaux, les plans quinquennaux, là, c'était encore l'État qui contrôlait tout, c'était des politiques interventionnistes. Et puis, il y a eu la crise, l'État a donc perdu beaucoup de marge de manœuvre avec... Là, on a mis en place les programmes d'ajustement structurel et ça aussi, ça a été un échec cuisant. Donc, dans les programmes d'ajustement structureux, l'État était devenu un simple exécutant de tâches. Et puis, même à ça, là, ça continue pareil. Au point qu'en 1996, là, ils ont mis en place l'initiative des PPTE, initiative lancée par le G8. Donc, initiative PPTE, c'est une initiative pour pays pauvres très endettés. Très endettés. C'est ça. D'accord. Ensuite, donc, à quoi est destinée cette production principalement? Ou non? Non, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc on peut sauter celle-là quand même. Oui. Plusieurs industries utilisent cette huile de palme à des fins de consommation, pour les cosmétiques, de plus en plus pour l'agrocarburant. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, parce que vous avez aussi fait une conférence là-dessus? Alors, vous faites bien de mentionner qu'il y a la présence de nombreuses industries qui utilisent l'huile de palme à des fins de consommation. Il y a par exemple l'alimentaire. Il y a le cosmétique, il y a l'industriel. Donc, l'alimentaire, par exemple, les chips qu'on mange là. Savez-vous, par exemple, que l'huile qui est utilisée dans ces chips-là, c'est l'huile de palme? Non, on ne s'en rend pas compte. Ou même, une fois, j'avais découvert que le rouge à lèvres aussi, ça, c'est la catégorie des cosmétiques. Le chocolat, ça, c'est certain, il y a plein d'huile de palme dans le chocolat. Et la lessive, par exemple, le Tide, il y a plein d'huile de palme là-bas. Et puis, il y a aussi la glycérine. Donc, ça, c'est les autres industries qui utilisent vraiment beaucoup d'huile de palme. Puis, il y a le secteur agro-industriel, le secteur des agrocarburants, justement. L'Oxfam, j'aime bien leur définition des agrocarburants, qui sont des carburants liquides fabriqués à partir des matériaux organiques, dont la vaste majorité est produite à partir des plantes. Donc, par exemple, ces plantes sont mélangées à des combustibles. Et on distingue donc deux sortes de biocarburants, celle de première génération, issue des produits alimentaires, dont l'huile de palme. Et puis, il y en a de deuxième génération aussi, qui sont issus de la biomasse. Et là, apparemment, ils sont rendus à la troisième. Troisième génération, ça, j'ai pas vraiment d'informations dessus. Mais les agrocarburants, la production est encouragée par les institutions internationales et aussi par le Cameroun. L'OCDE, par exemple... Pour eux, la production vise à garantir la sécurité, l'approvisionnement énergétique, améliorer l'environnement pour atténuer les changements climatiques, créer des nouveaux débouchés. Pour la Banque mondiale, elle fait plus état des avantages que des contradictions de la production. Et pour elle, l'agrocarburant crée des nouveaux marchés pour les producteurs agricoles et requiert moins de coûts technologiques que ceux du carburant classique. Mais la plupart des POD, comme le Cameroun, et les pays en développement, comme le Cameroun, n'ont pas ces moyens-là. La Malaisie et l'Indonésie ont commencé. Eux, pour l'instant, produisent 6 millions. Et ils veulent même la doubler maintenant. Ils veulent doubler la production. Donc, le Cameroun produit certes du biocarburant, mais c'est encore en petite quantité. Et ils produisent depuis 2005. Donc, le pays est aidé par la Banque mondiale. Ils ont mis en place des programmes. Donc, l'un des objectifs, justement, de ce programme-là, c'est l'augmentation de la production, l'extension de la monoculture. Et donc, ça fait que le Cameroun est embarqué dedans, ce qui veut dire aussi beaucoup d'endettement dans les années à venir. Oui, oui, d'accord. Ben, il y a toutes sortes d'impacts. Hein. Déjà, la culture de l'huile de palme à des fins de consommation alimentaire a beaucoup de conséquences. Agrocarburant, il faut quand même penser à l'accaparement des terres. Mm-hmm. C'est des terres qui ne sont pas disponibles pour la souveraineté alimentaire Camerounais. Oh, oui. Donc, quels sont les impacts sociaux? Comment sont affectés les paysans, les femmes, les propriétaires de ces terres? Les paysans qui sont de moins en moins, j'imagine, propriétaires de ces terres-là, vu qu'elles sont détenues et sont accaparées par ces multinationales pour faire une monoculture intensive et extensive? Ce qui est intéressant, c'est que là, on avait le groupe Bolloré qui contrôlait la filiale, c'était Socfinal, la société des caoutchoucs. C'était elle qui contrôlait trois des agro, des compagnies agro-industrielles. Là, maintenant, il y a de nouveaux joueurs. Il y a, par exemple, Heracles. Heracles, c'est une compagnie américaine. Et là, elle a été épinglée récemment dans un rapport du ministère des Eaux et Forêts, justement pour corruption. Ils sont allés s'accaparer des terres en faisant... ils n'ont même pas expliqué aux populations c'était quoi l'objectif. Ils leur ont donné, comme d'habitude, ils ont apporté du riz, ils ont apporté du vin et tout ça. Donc ça a été dénoncé par l'État en plus. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui sont affectés par cette huile-là. Déjà, au niveau environnemental, il y a beaucoup de déforestation. Il y a l'augmentation des conflits aussi. Il y a, par exemple, au niveau de la monoculture, le Cameroun perd 30% de la couverture végétale, de sa couverture végétale. Donc, ça affecte énormément de beaucoup. La biodiversité. Ça affecte la biodiversité. Il y a des problèmes de déforestation. L'équilibre écologique, oui, oui, oui. Il y a des eaux qui sont polluées. Même de l'air, les populations se sont plaintes, mais leurs revendications n'ont pas été prises en considération. Ou même des fois, ils ont fait l'objet de menaces. Ah oui. Oui. Et là, actuellement, c'est des espèces de conflits, des conflits écosociaux qui remettent justement en question ça. Ces questions-là. D'accord. Il y a plusieurs critiques, notamment... parce qu'il y a aussi les ONG, qui est notamment la fameuse ONG, le World Wildlife, mieux connue de son acronyme WWF, qui joue double jeu en encourageant, d'une part, ce type de production, en émettant, entre autres, des soi-disant certificats de développement durable, que je mets vraiment ici, entre guillemets, attestant une culture de PAM dite durable à 10 multinationales, donc parmi celles-ci, Nestlé, Monsanto, Unilever... Et ainsi de suite. Puis en recommandant comme étant des bonnes pratiques, elle met en place les standards internationaux de l'IFC, donc du International Finance Corporation de la Banque mondiale, où cette dernière semble juger partie. Et d'un autre côté, qui prétend à la fois protéger et conserver la biodiversité, les espèces menacées. Un exemple qui est bien connu, c'est le cas de l'orang-outan à Bornéo, où la WWF prétend lutter contre sa disparition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? Moi, en fait, comme on a évoqué les conflits écosociaux tantôt, et puis vous avez parlé du problème d'accaparement de terres, eh bien, je lisais justement un rapport terrain où l'auteur avait justement fait une étude des ONG et leur position. Et donc, la World Life avait une position neutre. Donc, c'était très étonnant quand même de garder une telle position alors qu'il y a tellement de... Il y a tellement de dégradation, d'enjeux et tout. Et elle a préféré ne pas se mouiller. Donc, c'est un fond. Alors, un fond, il faut garder les donateurs. Alors, à eux, et puis avec tout le reste, Unilever et tout ça. Moi, je me demande, en fait, la question, en fait, c'est de se demander qui ils veulent protéger au juste. Est-ce qu'ils veulent protéger leurs arrières ou bien est-ce qu'ils veulent protéger les populations? Et je voudrais aussi qu'on m'explique... pourquoi la déforestation continue? Pourquoi, par exemple, l'Indonésie perd 2 millions d'hectares de forêt par année, alors que, justement, ils font des campagnes par rapport à ça? Oui. Et avec un tableau si sombre, est-ce qu'il y a des voies de solution, des alternatives qu'on peut envisager? Du moins pour le Cameroun. à petite échelle. C'est clair que la filière camerounaise compte d'énormes lacunes politiques, économiques, sociales et tout ça. Moi, je pense qu'il va de la volonté politique aussi, de mettre en place et des bailleurs de fonds aussi. Parce que là, comment on va pas me dire que pour construire une maison, on construit une maison, mais on ne prend pas en compte les fondations qui sont en train de s'écrouler. On préfère remplacer par deux fenêtres. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Et là, dernièrement, il y avait... c'était une initiative de la société civile qui avait fait tout un clash en France pour dénoncer justement le groupe Bolloré. Ils ont mis en ligne tout un rapport qui dénonçait justement les agissements, les pratiques anti-syndicales et toutes les violations qui sont faites là-bas. Évidemment, ils se sont fait taper sur les doigts, mais c'est pour dire que si la société civile s'implique à ce point, il faut aussi qu'il y ait des encouragements à quelque part. Donc, voilà. D'accord. Ben, écoutez, en cette journée des travailleurs, la mobilisation continue, hein, que ce soit les paysans, les ouvriers, les travailleurs. Merci beaucoup, Élodie. Merci de passer à Amanda, nous parler des enjeux de l'expansion de l'huile de palme au Cameroun. Ben, merci à vous. Gentle.